Léa, en vacances dans le sud, à côté de toi je me sens Léa. Le matin à tes côtés, au petit déjeuner je bois du Léa. Et à la piscine ta belle poitrine, moi je trouve ça olé olé. Encore comme un pauvre loser, moi j'essaierai de t'emballer. Depuis la première fois où tu m'as parlé, moi je ne fais que t'aduler. Et le soir entre tes draps, moi je t'aime et je voudrais t'enculer.